Tous les jours contre l'essence, salope. J'ai mis 14. Quotidiennement fume du gaz. Quotidiennement fume du gaz, salope. Tous les jours contre l'essence. Quotidiennement fume du gaz. Fume du gaz, cadeur. Tous les jours contre l'essence. Quotidiennement fume du gaz. Fume du gaz. Quotidiennement fume du gaz. Quotidiennement fume du gaz, quotidiennement fume du gaz, SO trail, qu'on se gâche comme un moteur, prends de la hauteur, défracté comme un alien, tout simple de luxe, action sport italienne, libéré bigoua, une armiaque comme si j'avais 6 doigts. Je suis des comme un chimpanzé. Je suis un poteau, on se dans le ziploc. Tous les jours comme une voiture négro consomme de l'essence. Janvier à décembre, SOK qui négro attaque de tous les sens. La LDO à Paris comme à Gotham. Négro, vous pleurez à la totale. MSLDO, M14, Kentigo. Calabre, mais des calabres, comme dans calabre, score, score, score, score, score, score.